sentiments lassés que tu m'avais laissés de ta peur. Que pour encore te sauter, je vienne te relancer après l'heure. De ton air courroucé, ta manière de penser à être ailleurs. Tu m'as encore blessé après avoir cassé ma bonne humeur. Les solitudes glacées ne laissent rien pousser que la rancœur. J'ai mis dans mon passé d'en avoir eu assez tout à l'heure. De t'oublier, j'ai bien là on a. De t'oublier, j'ai bien là on a. De t'oublier, j'ai bien là on a. De t'oublier, j'ai bien là on a. Et de tes doigts gonflés, rongés et agacés, ta hauteur. De l'effort insensé de me voir repasser à hauteur. Dégoûté à l'excès par l'odeur de suée de ton cœur. Déçu d'avoir osé juste pouvoir te croiser sans douleur. Les solitudes glacées ne laissent rien pousser que la rancœur. Ta facture est classée, tu m'as bien remboursé du bonheur. De t'oublier, j'ai bien là on a. De t'oublier, j'ai bien là on a. De t'oublier. Que passer, je venais juste t'embrasser, visiteur. J'ai troublé tes pensées, tu m'avais effacé de bonheur.